Il me semble que ce serait une belle question à traiter de savoir lequel des deux a été le plus chaste, de Publius Scipion qui, après la prise de Carthagène, ville importante d'Espagne, rendit intacte et pure à son père une jeune fille nubile, d'une grande beauté, d'une illustre naissance, qui avait été conduite dans la tente du général, ou du roi Alexandre qui, après une grande victoire, défendit qu'on lui présentât la sœur et l'épouse de Darius, tombée en son pouvoir, et dont il avait entendu vanter la beauté. C'est un petit sujet de déclamation sur Alexandre et sur Scipion que nous laissons à ceux qui ont assez d'esprit, de temps et de facilité de style pour le traiter convenablement.